le film, moi, il m'a bien vu. Oui, mais il était pas marrant. Oh, comment il était pas marrant? Mais il avait du fond. Quoi? Il avait du fond. It's that time. Christmas time is here. Everybody knows there's not a better time of year. Hear that sleigh. Santa's on his way. Hip hip hooray for Christmas vacation. Got a ton of stuff to celebrate. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la salle 5. Aujourd'hui, c'est pour une émission spéciale fête de fin d'année que je suis avec Amaury. Bonjour Amaury, comment ça va ? Salut, joyeux Noël. Oh, merci à toi aussi. Et je suis aussi avec Victor. Bonjour Victor. Ça va très bien. Père Noël est avec nous. Et ben, vous savez quoi d'ailleurs, on va commencer tout de suite. Comme c'est les fêtes, comme c'est Noël, j'ai un petit cadeau pour chacun d'entre vous. Oh. Alors attendez, il faut que je le trouve. Il va falloir qu'on décrive ça à l'image. Alors, parce que ceci c'est pour Victor et celui-ci c'est pour Amaury. J'espère que vous allez aimer, mais normalement vous allez décrire ce que c'est. Bah, vous pouvez le déballer beaucoup. Tout de suite et décrire aux auditeurs et aux auditrices ce que c'est. C'est pas très radiophonique. Enfin, je sais pas comment on peut dire avec un podcast. On va déjà faire profiter aux auditeurs. Fait de l'ASMR, bah oui. De l'efface. Fais un petit déballe-le près du micro. On va déballer le cadeau avec le bruit du. Avec la petite cheminée en fond, là, c'est magnifique. Tu vas y arriver. Je vais y arriver. Oh, c'est magnifique. Oh. Je suis relaxée. Oh, je suis relaxée. Normalement, c'est des films d'une franchise que vous aimez tous les deux bien. Je rigole à ma blague de merde. Décrivez ce que vous avez. Alors. Alors, moi. De quelle franchise provient ce film? C'est Mission Possible. Exactement. Alors, je tiens à préciser qu'on dirait vachement un porno, mais non, c'est pas un porno. vu les personnes qui sont sur la fiche. Ah non, mais je te jure, regarde le CD, regarde le DVD. Non, mais le CD à l'intérieur, on dirait de ouf un film porno. C'est horrible. Bah. J'espère que c'est pas. Où est-ce que tu vas avoir tes pornos, mais avec. Mais non, mais c'est bizarre. Je sais pas, c'est trop bizarre avec le vieux mec. Avec ses... Bref. Alors. Il faut lire le résumé. Ah oui, lis-nous le pitch. Si t'arrives à le discerner. Allison et Jane sont deux amis espiègles à qui rien n'échappe. On est d'accord. Avec leur vélo et leur talkie-walkie, elles quadrillent leur quartier à l'affût du moindre ragot. Quand le nouveau principal du collège s'installe dans leur rue, c'est l'effervescence. Un soir, Allison le surprend en train de changer dans son coffre un sac lourd et suspect. Oh. Conjadrait-il le corps de sa nièce qui a mystérieusement disparu? Oh. Déçu par l'incrédulité de Jane et de sa mère qui ne partagent pas sa théorie, Allison décide de mener son enquête. Ça a l'air d'être une mission très possible en tout cas. C'est au même niveau que Tom Cruise, hein, tout ça. C'est clair, alors là, il y a... J'espère que t'es ravi pour ce cadeau qu'elle a emballé. Et Amaury, toi, alors t'as eu quoi? Alors moi, entre mes mains, j'ai un film qui s'appelle Bad Guys. Et je dis Bad Guys, parce que c'est vraiment super badass comme affiche. Enfin, je la décris. Voilà. Alors, il y a quand même marqué dessus « La justice a soif de vengeance !» point d'exclamation, et derrière, un seul plan, « Devenir les maîtres de ta cité ». Alors, ah bah, c'est. Il y a Bad Boys 3 qui arrive, alors je me suis dit que c'était de circonstance. Quinton Rampage Jackson, si je dis pas de conneries. Mais je le connais, lui, je sais pas d'où je le connais, mais je le c'est connais. C'est celui qui joue Barracuda dans le film L'Agence Touriste. Voilà. Une star, Kate Del Castillo en second rôle. Alors, l'histoire, la justice de LA a érigé un système de corruption où l'argent, la violence et les trafics sont les seules réelles garanties de liberté. Une avocate allons-y quoi. Oui, non, il faut y aller. C'est pas toi qui l'a écrit, on s'en fout, tu peux le lire. On va se faire une petite soirée. On va regarder ces deux. Double programme. J'espère. j'espère que ça vous plaît quand même. Parce que je sais que vous êtes fan de Mission Impossible, les alors, Bad Boys. Là, il parle coup, de la, ça la star, évident. La star d'Ultimate Fighting, Quentin Rampage Jackson, l'agence Tout Risque, casse tout sur son passage dans un film d'action pur et dur à ne pas manquer. Point d'exclamation. Non, mais vraiment, merci Jade. Merci beaucoup rien. Jade. C'est le plaisir d'offrir, joie de recevoir. voilà, dans cet esprit de Noël, j'espère que vous, chez vous, vous êtes bien installés dans votre siège numéro 42, j'enchaîne, hein. Parce qu'aujourd'hui, on parle des films qu'on aime bien regarder pendant les fêtes, mais que vous connaissez peut-être pas, parce que sinon, bah, on va pas parler toujours de Love Actually, hein, ça suffit. Aujourd'hui, telle une liste au Père Noël, on vous offre un petit inventaire de films de Noël. Qui vont être offertes par ces charmants lutins que nous sommes. Tu crois pas si bien dire, j'ai un film qui parle de lutins. Enfin, qui parle. Moi aussi. Chelou. Mais d'abord, c'est quoi un film de Noël? Parce qu'au final, fin, t'as l'impression, on a un peu l'impression que c'est un genre à part entière. Tu sais, le film qui passe sur M6 avec la meuf qui retourne dans son petit village et qui redécouvre son amour d'enfance, toutes des conneries comme ça. Mais enfin, est-ce qu'un film de Noël, c'est un film qui se passe à Noël? Est-ce que c'est un film qui sort à Noël? Est-ce que c'est un film qui a les valeurs de Noël dedans et tout? Ça peut être plein de trucs. Du coup, à votre avis, c'est quoi un film de Noël? Qu'est-ce qui décrit un film de Noël? À mon avis, la quintessence du film de Noël, c'est ce qui regroupe absolument tout ce que tu viens de dire. Alors pour moi, c'est la définition d'un cauchemar de Noël. Hein, vraiment, c'est les téléfilms qui passent sur M6 et TF1 pendant les vacances de Noël, donc avec souvent des Américains blancs à New York. Bien riche. Ouais. Et insupportables, ouais. Et qui se réunissent à la fin. Il y a un travelling arrière où on les voit tous réunis derrière leurs fenêtres et ensuite la mais caméra aussi, s'envole dans le ciel. Il y a aussi la variante téléfilm, tu sais, il y a les téléfilms Lifetime ou Hallmark où c'est une meuf riche, souvent en femme d'affaires ou agente immobilière ou quoi. Qui retourne dans son petit village de Cambrousse et qui redécouvre la vraie vie. Et en France. On se met à faire ça parce que demain, qu'est-ce qu'il y a demain sur TF1? Enfin, lundi. Bah, le jour où sort cet épisode, logique. Si je fais bien mon travail. Donc aujourd'hui ce soir sur TF1, une rom-com de Noël avec une femme qui va en Laponie. Est-ce que c'est avec la meuf qui joue Clem? Parce que souvent les téléfilms TF1, c'est avec la meuf qui joue Clem. Elle ressemble un peu à Audrey Fleurot, mais c'est pas Audrey Fleurot. Et il y a Thomas Sisley dedans. Donc on voit qu'il a bien copié-collé les films américains. Hein. Bah oui, Thomas Sisley, voilà. Mais j'aime pas ces films, mais j'aime bien quand même un petit peu, tu vois. Enfin, dès que je les vois à la télé, je sais que c'est Noël. Il y a un cliché que j'adore dans ces films-là. C'est souvent c'est les personnages principaux. Alors soit c'est la femme d'affaires, l'avocate qui a pas le temps de voir sa famille ou ses enfants et tout ça parce qu'elle a trop de qui boulot. Qui redécouvre les valeurs ou à la fin. C'est le père divorcé, un peu loser, un peu bûcheron, tout ça. C'est ça, avec la chemise à carreaux rouges. Voilà. Et il y a souvent un vieux monsieur qui les conseille pendant tout le film. Et qui parfois, a une barbe même. Qui a une barbe ou alors des lunettes. Qui a un peu un gros ventre, qui s'habille beaucoup en rouge et en vert. Voilà. Et il leur donne souvent des conseils. Alors parfois c'est un SDF, parfois c'est le gérant du petit échoppe. Ou le grand-père, des trucs comme ça. Ou le grand-père. Et à la fin, qu'est-ce qu'on apprend à la fin? Alors que tout se va bien pour les deux personnages principaux, on voit ce petit personnage qui est seul dans un coin. Il dit j'ai bien fait mon boulot. Puis et là, c'est, tu vois, c'est le Père Noël. Ouais. Souvent, il disparaît. Soit il va dans son traîneau, soit il disparaît en mode. Comme dans Ghost Whisperer, quand les fantômes ils ont terminé leur mission. Tu vois. C'est la grosse chialade pour tout le monde. Avec la musique, les violons, tout ça. C'est le capital sympathie de Noël. Mais du coup, il y a plein de films pas télé qui sont des films cultes de Noël dont on parlera pas, mais que je vais citer quand même, genre Maman, j'ai raté l'avion, que Victor adore. On en reviendra après, on en reparlera après, mais... Moi, j'adore la musique, j'ai vu le film il y a très longtemps, donc j'ai aucun souvenir, mais la musique est très cool. Elf, La Course aux Jouets, Love Actually, Super Noël, Le Pôle Express, on en parlait tout à l'heure, Gremlins, techniquement, ouais, ça se passe à Noël, Die Hard aussi, ça se passe à Noël, même si c'est sorti en été. Voilà, il y a plein de films de Noël, mais nous, c'est pas de cela qu'on va parler. Est-ce que vous avez des films qui, pour vous, sont des films de Noël, qui se passent pas forcément à Noël, mais qui, pour vous, représentent l'esprit des fêtes, qui sont peut-être sous-estimés ou moins connus et que vous portez dans votre cœur? Vas-y, Maury. Moi, j'ai une liste très particulière, parce que, franchement, l'esprit de Noël, on le retrouve pas, sauf dans Santa et compagnie, oui, de Alain Chabat, oui, qui est sorti il y a 2 ans. C'est l'histoire du Père Noël qui a un accident médical avec ses 1000 lutins. Ils tombent tous malades, alors du coup il doit descendre sur Terre à Paris pour aller chercher des médocs dans une pharmacie. Pas n'importe quel médoc, des doliprane. Des doliprane, voilà. Et s'ensuit une série de difficultés qui va rendre la tâche plus délicate. Et ce que j'aime bien, c'est déjà c'est Chabat à la réalisation et à l'écriture, donc on a une saveur beaucoup plus intéressante que dans la plupart de ce genre de films avec un Père Noël, avec des trucs très niais, sauver l'esprit de Noël et blablabla. Ou que là, des comédies populaires françaises en général. Oui, en plus, voilà. Et ce que j'aime bien dans le parti pris qu'il a, c'est le côté très quotidien, en fait, de son histoire de Père Noël, parce qu'il y a le côté fantastique. Et il le raccroche à un truc très terre-à-terre, en fait. Au point qu'il y a une réplique que j'adore dans le film qui montre à quel point c'est hyper contemporain. Il y a des policiers qui sont en train de parler de Chabat qui erre dans la ville, qui dit à toutes les unités, on cherche un vieux avec une tête de Père Noël et une djellaba verte. c'est ça, en fait. Pour que le fantastique fonctionne, il faut que ça ait l'air vrai et il faut le mettre dans un contexte vrai. Et quand on voit Chabat qui fait un créneau avec son traîneau et ses rênes et qu'il est avec son jeu de clé et que ça fait bip bip comme une C3, moi ça me fait mourir de rire. Reine, j'adore aussi. Ce film, il est trop bien. Il y a Jean-Pierre Bacri en Père Noël aussi dans ce film. C'est vrai, oui, c'est vrai. Apparition. Qui joue un Père Noël genre de rue, de supermarché, ouais, je sais pas quoi. Mais même comparé aux autres comédies françaises populaires en général, la plupart, c'est drôle, c'est pas méchant. Et en plus, c'est Noël. Du coup, forcément, c'est les valeurs de Noël qui dégoulinent de partout. Et c'est super. Victor, film, toi. Alors, est-ce que t'en as un fun un peu dans le même esprit que Santa et compagnie? Ils sont tous fun, mes films de Noël. Vas-y. Ce n'est pas des films sérieux ou quoi. Alors, par lequel je commence? Fais trou-trou. Trou-trou, même. Eh ben, je vais vous parler. Alors, ça va vraiment être la vibe nostalgique. Est-ce que vous aviez eu des VHS quand vous étiez Bien sûr, avec les crayons pour les rembobiner. Ouais. On est des millennials, mais on n'est pas si jeunes que ça non plus, tu vois. Est-ce que vous regardiez Mickey? Oui, ouais. Est-ce que vous vous souvenez de Mickey, il était une fois Noël? Mais oui, mais il passait tout le temps sur M6 en plus. Ah oui. Sur M6 avant à Noël, d'ailleurs, fun fact, il passait Dingo et Max tout le temps avant. Ah. Puis au bout d'un moment, ils ont arrêté de le passer. Et moi, j'ai continué cette tradition moi-même. Eve, si tu nous écoutes, tu le sauras. Mais il passait tout le temps sur M6, tous les 24 au soir, tous les réveillons. Il passait genre les Picsou et plein de Disney. Ah ouais, la lampe là. Ouais, il passe tout le temps encore et c'est trop bien. Et il passait aussi tous les courts-métrages de Disney qui se passent à Noël, ouais, et tout. Genre là. Le dernier en date qui me vient en tête, c'était celui de la Reine des Neiges. Cet horrible court-métrage avec Olaf qui durait 10 minutes. Je l'ai pas minutes. Vu, mais c'est le dernier, je pense, qui est sorti. Il était passé avant Coco, ça durait un quart d'heure et ça saoulait. Moi, ça m'avait pété les couilles quand j'avais été voir Coco. Olaf, il est casse-couille, quoi. Et ça a été tellement casse-couille pour les enfants que Disney, au bout d'une semaine, ils ont retiré le court-métrage, ouais. Ils ont décidé de retirer le court-métrage. Ah bah, c'est plus que c'était Disney, hein. Et alors, Mickey, il était une fois Noël. Qu'est-ce que c'est, Mickey, il était une fois Noël? C'est 3 histoires absolument émouvantes, drôles, punchy et mémorables. C'est Pulp Fiction, en fait. C'est le Pulp Fiction, mais à Dingoville. Ok. Alors, La sauce Disney. Il y a 3 histoires. L'une, Riri, Fifi, Loulou. Des prefs. Bah oui, je les adore. Eh ben, ils vont passer Noël chez la famille de Donald. Je vais pas faire une imitation de Donald parce que je sais pas la faire. Et ils ont un rêve, C'est que, en fait, ils ont le kiff de retrouver tous les trucs de la fête de Noël. Ils retrouvent leur famille. Alors, il y a la blague de. La blague, on dirait que c'est un peu grossophobe maintenant, mais il y a la grosse tata qui leur fait des gros câlins et des gros bisous. Mais ils kiffent ça. Ils kiffent avoir des cadeaux. Ils kiffent bouffer des crêpes et des gaufres et la bûche. Et ils se disent. T'as dit ça comme. La bûche! La bûche! Mais oui, mais je mets autant d'entrain qu'eux. Vas-y, pardon. Et ils ont un souhait. C'est oui, de que Noël se passe tous les jours. Ah, mais oui, je me souviens. Et Noël va arriver tous les jours. Alors, les mêmes câlins, les mêmes bisous, les mêmes gaufres, les mêmes jouets, la même bûche. Et au bout d'un moment, ils vont se rendre compte qu'en fait, Noël tous les jours, c'est pas très funky. Bah, oui. Et ils vont se rendre compte qu'en fait, la magie de Noël n'a lieu qu'une journée ou deux dans l'année et que c'est très bien comme ça. C'est ça il faut fait, savoir la magie profiter des bonnes ça. Choses. Ensuite. Ah non, mais j'aime suite, bien avoir l'entrain. Là, c'est l'épisode un peu gilet jaune de Disney. Déjà, comme quoi, hein, on croit que c'est nouveau. Mickey, gros prolo. Parce qu'il a beau être. Ce jugement dans ta voix. Il a beau être à la tête des énormes empires multinationales et tout. Là, il a des pépettes, Mickey. Mais avant, Mickey, pour commencer, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ah bah, il s'est construit tout seul, hein, Mickey. Il s'est construit tout seul, attends, mais effectivement... Attends, il était en bas de l'échelle au début. Hein. Il conduisait un petit bateau, un pétrolier au début. Ouais. Hein. Attends. Il vit avec Minnie et tout. Ils veulent se faire des beaux cadeaux pour Noël. Mickey, il veut offrir un beau diamant, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce qu'il va faire, Mickey? Ben, il va travailler pour Patty Buller, le gros Pat. Pour vendre des sapins. Et Mickey va devoir galérer pour... et va devoir faire des concessions... pour vendre un sapin pas cher à une famille qui a un sapin super cher à une famille qui peut pas se l'offrir forcément parce qu'il a un bon cœur. Et voilà, et il y a la troisième histoire où c'est Dingo et Max, et c'est comme dans le film Dingo et Max, c'est Max, il a un peu la honte de que son père daron, qui soit... de Dingo, parce que c'est Dingo, ouais. Même si on l'aime tous Dingo. Ah bah ouais, j'adore. Hein. Et en fait, pour remédier à ça, Dingo va devenir le Père Noël. Oui, je me souviens. Ouais. Putain, mon cœur. Mon petit cœur. Et voilà, c'est pour moi, c'est ça. Ah, mais j'adore. Voilà, ça, meilleur c'est choix. Mon Noël j'avais nostalgique, tu vois. Mon souvenir nostalgique ouais. De Noël, c'est cette cassette de Mickey. Mickey était une fois Noël parce que... C'est vrai, des ça belles manque. Histoires, c'est Mickey, c'est beau. C'est beau. J'aime et toi, beaucoup Jade. Ce choix. Un choix fun, j'en ai pas beaucoup. Si, alors un film qui est sorti cette année n'a rien à voir avec ce que vous venez de dire. Il n'y a pas de Père Noël dedans, il n'y a pas de Mickey, mais c'est un peu Disney quand même. Est-ce que c'est Disney? Non, je suis pas sûre. C'est Shazam qui est sorti cette année parce que c'est ça se passe pas à Noël. Disney, c'est Warner. C'est Warner, voilà, bah. Pff, hein. Jusqu'à quand, hein? On ne sait pas, bref. Oui, donc c'est Shazam, ça, parce que ça se passe à Noël, et ça parle de famille, en fait, et il est trop bien, ce film, du coup, bah voilà, j'ai pas grand-chose à dire dessus, juste, ça parle de famille recomposée, de rien, et puis il est trop bien, ce t'as film. T'as tellement en fait. Raison, en fait. Mais enfin, oui, c'est l'esprit quand de Noël. Quand tu penses, dans c'est l'esprit de Noël, mais moi, c'est ça qui m'avait surpris quand je suis allé voir le film, c'est que j'avais vraiment... peur, tu sais, de voir la version d'ici de Deadpool, tu vois. Ouais. Et tu vois, ils le vendaient vraiment comme ça, ouais, tu vois. Genre, comme ils font ça. La danse Fortnite. Après, quand tu... Ouais, c'est ça, ils le vendaient en mode et jeune. Ça m'a tellement touché sous le côté, ouais. Quand le film s'attarde sous le côté, sous le trauma de la famille pour le personnage. Les gamins sont hyper. Le couple de parents. Ça m'a rappelé un film qui n'est pas un film de Noël, mais je crois que tu l'as vu aussi, mais qui est sorti cette année. Et qui pourrait être un film de Noël, mais qui se passe pas à Noël. Est-ce que c'est le film avec Isabella Moller? Ouais, avec Mark Wahlberg, ouais, et Apprenti Parent. Ouais, c'est ça. Et ça m'a rappelé cette vibe-là, et j'étais super touché. Et c'était mais drôle. Oui. Et en plus, c'est du super-héros, du coup, et à la moi, j'adore. Quand ils sont tous en super-héros. Oui, la Shazam Family, je m'y attendais pas. Moi, je savais pas du tout qu'ils allaient l'inclure dedans, c'était trop bien. Et en plus, bah oui, ça se passe à Noël, du coup, il y a de la neige, il y a des sapins et des jolies lumières. Du coup, voilà, Shazam. Amaury, est-ce que t'en as un autre? Non, après, c'est des vilains petits canards de Noël hein, que je vais proposer. Alors, donc, on passe on continue sur les films joyeux. Hein. Ouais, parce que moi, j'ai deux films d'horreur et un film sérieux. Victor, est-ce que t'as des films un peu fun? Ah, mais ou même ce, pas que des films, peut-être des épisodes de séries. Ah bah alors, Futurama les Simpsons, ou les Simpsons. Oui, voilà. Ah bah on va en parler de ça, bien bah, sûr. Il faut le point Simpson, s'il vous plaît. Il faut le point Simpson. Alors, moi j'en ai plusieurs des films, ils sont tous fun. Ah, parce j'ai eu peur que tu dises, moi j'en ai plusieurs des épisodes des Simpsons. Bah, j'en ai plusieurs, évidemment. Si je puis me permettre, l'épisode avec quand Homer il est. Comment on appelle ça en français quand il déblaye la neige là et qu'il Monsieur a sa Chasse-Neige. Veste, voilà, Monsieur Chasse-Neige. C'est l'épisode, voilà. C'est un épisode de la meilleure saison de la série. On y reviendra. Mais fais un podcast sur les Simpsons, Victor. J'adorerais ça. Alors, j'ai trois films et après j'ai deux films sur lesquels je vais déverser une haine. On va rester dans le positif pour l'instant. Pour l'instant. On va en douceur, en douceur. Alors. On parlait de Riri, Fifi et Loulou qui vivaient toujours la même journée de Noël. Il y a quelqu'un d'autre qui a vécu cette même journée. Bill Murray dans Un jour sans fin d'Harold Ramis. C'est ça, Noël ? Bah non, c'est alors, le jour de la... C'est les jours de la marmotte, mais c'est l'ambiance Noël, tu vois. Ouais, c'est l'hiver, les tout ça. Enfin, c'est l'automne. C'est l'hiver, c'est les marmottes. Oui, c'est vrai, c'est... Ouais, c'est vraiment un super film de Noël, je trouve. Et... j'ai justement, moi c'est un film qui rentre totalement dans ce film de Noël, dans le côté film de Noël, pour le côté bon sentiment et le côté, tu sais, on apprend de soi-même et à être une meilleure personne. Mm-hmm. Et en fait, l'histoire d'un jour sans fin, c'est ça, c'est... Oh, parce qu'il est horrible au début. Bill Murray, il joue un personnage de gros con au début du film, il fait que chouiner, il est infect avec ses collègues de boulot. Ça le fait chier d'être à la journée de marmotte alors que nous on aimerait on kifferait aller à la journée de la marmotte j'avoue c'est complètement con comme journée mais c'est stylé et il va se retrouver du jour au lendemain ouais, est-ce que c'est il quoi y a le temps demain au final c'est quoi parce le temps que, on sait pas c'est une et ben il va se retrouver à vivre la même journée et même s'il meurt même s'il se suicide et tout il va toujours revivre cette même journée où il y a Sony et Cher qui sonne au réveil. Il y a l'animateur radio qui fait « Debout les campeurs et haut les cœurs, aujourd'hui sortez vos bottes car ça caille aujourd'hui !» Mais j'ai une question, est-ce que c'est le tout premier film à avoir ce concept ? Non, je pense qu'il y a des trucs, je pense que je suis persuadé qu'il y a un épisode de Twilight Zone qui a dû faire ça. Mais même, je suis sûr, dans les années genre de... Dans les années 20 ou même au début du cinéma, tu sais, je suis sûr qu'il y avait déjà un film qui faisait ça, c'est obligé. Je suis persuadé, mais là, c'est vraiment dans parce le cas de la que, comédie. Genre, par exemple, Happy Birthday, on dit oui, c'est un jour sans fin quand c'est un autre. Mais je pense film que c'est un ça. Jour sans fin, c'est le film qui l'a popularisé à fond, tu vois. Ouais. C'est un film culte pour beaucoup. Et moi, ce que j'adore dans ce film, c'est vraiment le côté où le personnage de Bill Murray apprend à devenir gentil, à devenir bienveillant avec les gens et tout. Et au début, il le fait dans un but opportuniste pour juste se démerder et plus être victime de cette malédiction. Mais non, il va vraiment se rendre compte qu'on a besoin d'être gentil dans la vie. C'est et il va être gentil avec tout le monde dans ce petit village et tout. Et ça te fait chaud au cœur. T'as envie de manger des cookies et des chocolats chauds. Moi, j'ai envie d'arrêter cet épisode sur ce beau message de bienveillance et d'espoir. C'est tellement beau. Ensuite... J'ai deux autres films dans la même période. Ça va être beaucoup de péloches américaines. La course aux jouets. J'aime pas ce film. Ah désolée, mais j'aime pas. En fait, je trouve nul. Oui, mais c'est vraiment la période où Schwarzy faisait des comédies nulles, mais qu'on aime bien regarder parce que c'est marrant quand même de voir Schwarzy faire de la comédie. Et je là, c'est marrant de l'avoir essayé en fait. Ouais, dire, c'est un peu comme si tu regardais Jumeaux quoi. Et ce film aussi. T'aimes pas les comédies avec Schwarzy? Je déteste les comédies américaines en fait en général. Donc... Et donc là, l'histoire c'est. Schwarzenegger, il veut la figurine de Turboman. Oui, Turboman, évidemment. Pour son fils, parce que, tu vois, Schwarzenegger, il joue un homme d'affaires, encore une fois, qui a pas le temps d'être là pour son fiston. Et son fils, il lui dit « Papa, pour Noël, je veux qu'on se réconcilie et que tu m'offres la figurine de Turboman. » Et Schwarzenegger, il lui dit « Bon, bah d'accord, je te le promets. » Sauf que Turboman, c'est un peu la figurine bébé Yoda de l'époque. C'est... Attends, excuse-moi, je te coupe, mais vous avez vu qu'ils ont sorti une Chicken. Mais c'est clairement, ils ont créé ce personnage pour sortir les peluches. Quoi. Avant même que la série elle sorte, ils les avaient déjà en stock, les peluches. C'est... C'est totalement le capitalisme. La vraie star de Noël. Le vrai Père Noël, c'est le capitalisme, en fait. Schwarzy, il a eu la mauvaise idée de se dire « Ah, j'ai pas cherché la figurine de mon fils. Attends. » Et il va se battre. Il va le 24 au soir, ce trou du cul aussi. Voilà, et il va... Donc du coup, tout le monde en veut une. Bah, voilà. Et il va se battre contre un gars qui est joué par Sinbad. Sinbad, vous le connaissez peut-être pour les fans d'American Dad. Quand Jeff Fisher est envoyé dans la planète de Roger et il doit s'évader avec un gars. Oui, je vois. Et bah c'est ce gars-là. Et ils vont se battre, ils vont s'affronter. C'est la course aux jouets hein, pour trouver la figurine Turboman. Alors, c'est un film nul. C'est nul, hein, la course aux jouets. Mais c'est un classique de Noël. C'est un classique. Moi, j'avais la cassette enregistrée. Ouais, ouais, il passe à la télé et tout. Il passe tout le sur temps. Sur Télé Monte Carlo. Ouais, c'est ça, sur TMC. Et j'ai un dernier film beaucoup plus connu. Si je vous dis, en petite bestiole mignonne. Je l'ai cité au début en plus. Bah, Gremlins, parce que voilà, c'est. Mais si je peux surenchérir, Gremlins 2, il y a Hulk Hogan dedans. Donc voilà. Tout à fait. C'est mieux. Tout à... Même si. Est-ce qu'il se passe à Noël le 2 ? Non, je pense pas. Non, c'est. Le 2, c'est avec quand ils sont dans l'immeuble Donald Trump. Oui, enfin, c'est d'actualité. C'est d'actualité, voilà. Voilà. Faites-vous une double feature où vous regardez les deux d'un coup. Bah ouais, parce que c'est toujours trop bien Joe Dante en plus. Mais oui, pardon, je t'ai coupé du coup. Et voilà, les Gremlins, c'est un peu le film. Le film trublion de cette sélection parce que c'est un film qui. Est un film d'horreur pour enfants. Ouais, c'est ça. Où en gros, c'est des méchantes bestioles, les Gremlins. C'est une comédie horrifique. Et à ce titre, bon, je vais éviter de m'attarder sur Gremlins. Parce que Gremlins, tout le monde connaît. On adore tous. Si vous n'êtes pas Gremlins, vous n'avez pas de cœur. Oh là là. On en avait parlé la dernière fois pour Halloween. Krampus. Krampus, ouais, j'y ai pensé. Bah voilà, écoutez notre podcast d'Halloween. Oui, bah oui, il est génial. Pour qu'on. Pourquoi. Je suis totalement pas biaisé. pour en savoir plus sur ce film, mais c'est aussi un bon bail de Noël. Et du coup, si tu m'offres une transition toute faite, parce que moi j'ai deux films d'horreur d'Halloween. Wow. Dont un qui s'appelle. qui s'appelle Rare Exports, mais qui en français s'appelle Père Noël Origine. Ah mais ouais, je vois trop ce que c'est ça. Et alors je sais pas là, si c'est vous bon, l'avez vu. On a fini avec l'esprit de Noël, rassurez-moi, on peut coucher les enfants et parler oui, du, bah, des si vrais vous films. Si vous avez en dessous de 16 ans, 14 ans, éteignez ce podcast. Cachez-vous les cachez-vous les oreilles. Cachez-vous les oreilles, mais laissez-le tourner quand même pour nous faire des vues. Non mais donc Père Noël Origine, un film finlandais complètement mais qui un quoi, comprends pas ce film, il fait pas peur du tout, c'est n'importe quoi du début à la fin. En gros, le pitch, c'est que dans une petite ville de campagne finlandaise à la frontière russe, il y a le personnage principal, un petit gamin, et son père et son oncle, je crois, qui sont genre des fourreurs ou je sais pas quoi, enfin c'est des mecs qui travaillent dans les mines et tout, enfin je sais plus exactement, je l'ai vu il y a longtemps. Et il y a des gars, des hommes d'affaires qui creusent un énorme trou qui forent en fait un trou pour trouver quelque chose et on sait pas quoi. Et en fait, eux, le gamin et son père et tout, ils vont aller fureter et ils vont découvrir un Père Noël, mais genre un vieux mec tout maigre, tout dégueulasse, qui fait peur et tout, et avec un costume de Père Noël. Je suis en train de casser le studio. Il casse le matériel. Avec un costume de Père Noël et ils vont le mettre en cage et ils vont le capturer pour savoir ce qui se passe. Et quand je parlais de film avec des lutins tout à l'heure, c'était de ce film que je parlais, parce qu'en fait dans ce film, on va voir tous les lutins du Père Noël qui sont en fait plein de vieux monsieur tout nus. Donc trigger warning. Si vous avez pas envie de voir des vieux monsieur tout nus. Comment tu dis Père Noël Origine ? Père Noël Origine, d'accord. Ouais. Et sur l'affiche française, c'est la gueule du Père Noël avec son nez crochu et tout, qui fait un peu peur. Et oui, moi je voulais trop le voir ce film quand il était sorti, mais il n'était pas passé en sortie technique. En vrai, c'est tellement n'importe quoi que c'est drôle. Il est vrai, c'est un film finlandais qui a vraiment. C'est un petit film qui a bien, plutôt bien marché quand même. Mais voilà, franchement, si vous ne l'avez toujours pas vu. ça fait pas peur du tout. Donc voilà, si vous aimez pas les films d'horreur, vous pouvez quand même le regarder. Et ton deuxième film, très drôle. Mon deuxième film, vous le connaissez, on l'a vu ensemble, c'est Black Christmas, qui est excellent. Pas celui qui va sortir cette année, même si peut-être il est déjà sorti. Il est déjà sorti, ouais. Bah je l'ai pas vu, mais peut-être qu'il est bien aussi. Mais en tout cas, l'original est excellent. Je m'y attendais tellement pas quand on a lancé le film. Je m'attendais à un truc un peu. Merci. Un petit nanar des années de là-bas, je me souviens plus quelle année c'est, mais en fait c'est trop bien, il y a des scènes et des plans et tout trop beau, toute l'histoire, enfin c'est trop bien écrit, la mise en scène elle est ouf et tout, enfin bref, j'adore ce film. Amaury, tes trucs que les enfants peuvent pas écouter. Ouais, bah, je rebondis sur Black Christmas parce que je l'avais noté aussi et c'était vraiment une excellente surprise. C'est soi-disant le premier slasher movie, oui. Donc on est vraiment aux prémices du genre, avant même l'Halloween de Carpenter, et la mise en scène elle est inventive, elle est maligne, et il y a quand même une scène de meurtre à coups de licorne en cristal. Oui, elle est magnifique cette magnifique scène. Magnifique scène, psychédélique, brillantissime, fétichiste, enfin. Mais il y a tout dans ce film, c'est génial. C'est un film, si j'ose dire, presque parfait. Voilà. Comme les dîners. Exactement. Alors, merci, donc, Victor. En parlant de dîner, vas-y. Mon film préféré de Noël, hein, vous allez me prendre pour un psychopathe, non, bah, c'est sais, Elle oui, de bah Paul oui. Verhoeven. On ne va pas te prendre un psychopathe pour ça, on t'adore. Sait que t'es un Isabelle psychopathe. Huppert, d'accord. Mais alors, donc, qui est l'histoire d'une femme qui s'appelle Michelle et qui se fait violer, quoi, et elle ne va pas porter plainte, et au lieu de ça, elle va se lier une relation ambiguë, perverse, avec son violeur, qu'elle va manipuler avec intelligence et perversion, et ça se passe à Noël, il y a des décos de Noël dans tous les sens, et notamment pendant une scène de réveillon, mais qui est la meilleure scène de réveillon, ici, qui réunit tous les personnages, le voisin sur qui elle crush, la voisine cucu qui se ramène avec un Scrabble, la belle-mère insupportable qu'elle peut pas saquer, l'ex qui se ramène avec une nouvelle copine insupportable aussi, il y a l'amant, la cocu aussi qui est là aussi. C'est les feux de l'amour, quoi. Totalement réjouissant. Les fistons. et puis c'est Paul Verhoeven en fait. Oui, le film est intéressant pour ça, c'est-à-dire qu'il vient avec ses références, il fait au genre du drame français ce qu'il avait fait avec le blockbuster américain dans les années 90. C'est-à-dire qu'il met beaucoup de parodies, beaucoup d'acidité, et on a vraiment l'impression qu'il vient dans notre cinéma français et qu'il nous mine de l'intérieur avec son second degré, avec des fulgurances kitsch, et la parodie qu'il fait du petit milieu bourgeois parisien est tout à fait savoureuse. Et puis même, de mettre ça à Noël en plus, c'est encore plus intelligent. Ça fait un décalage génial, l'acmé de ce truc là c'est une séquence de crèche. Alors je décris un peu, mais il y a les voisins qui sont en train d'installer une crèche géante dans leur jardin. Enfin, ils ont des figurines de Jésus et de Joseph qui sont à échelle réelle quand même, et au moment, alors il y a Isabelle Huppert qui regarde du haut de sa chambre avec une paire de jumelles et qui se masturbe à la vue de son voisin sur qui elle crèche, et au moment où Virginie Efira branche les guirlandes et que ça s'illumine, il y a Isabelle Huppert qui a un orgasme. Ah bah oui. Et ça, c'est le timing fait tout. Il n'y a que Paul Verhoeven pour faire des scènes aussi génialement subversives et drôles. J'adore ce film. Avec Isabelle Huppert en plus dedans, qui est suprême, qui est géniale. Isabelle, vous savez qu'elle va jouer aussi. Elle arrête pas, elle est partout. Non, mais elle va dans plein de films. Elle va jouer le rôle de celle qui nous donne des cadeaux. Parce que elle va jouer la Mère Noël. Isabelle Huppert Noël. Oh, il était bien celui-là, j'ai aimé, j'adore, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, en parlant de Virginie Efira, rien à voir, en parlant de Virginie Efira et de Verhoeven, il n'était pas censé sortir un film avec elle cette année, l'année prochaine. L'année prochaine. Je pensais que c'était cette année. Le tournage est terminé. En fait, il est terminé, mais Paul Verhoeven, il a eu des problèmes de santé. Oh. Et il a dû stopper la post-prod. Après le tournage, mais là il le reprend du poil de la bête. Ouais, j'espère qu'il va passer un bon Noël. On lui envoie tous nos vœux de fêtes. Victor, est-ce que t'as un film de Noël un peu sérieux qui fait peur Un film de Noël un peu sérieux. Enfin, j'ai déjà dit Krampus. Alors, un peu sérieux, j'en ai un. Je pense qu'on a le même, vas-y. Si je te dis années 50. Oui. États-Unis. Oui. Kate Blanchett, Rooney Mara, Carole. Oui, bah oui, c'est voilà. Carole. Évidemment. On pense, petite pensée à notre amie Charlotte. Oui, Charlotte, on l'embrasse. On fait un coucou et un joyeux Noël. Et alors, Carole, qu'est-ce que c'est ? C'est une romance entre deux femmes, Thérèse Bellivette et Carole. Erd, merci. Et c'est une romance lesbienne dans les années 50, à l'heure où les hommes, ils sont pas forcément très jojo. Pas qu'à cette époque de la société, tout ça, le monde entier. Pas ouf, quoi. Et le jour de Noël, enfin la période de Noël, ben on va suivre cette histoire plus forte que tout ça. Moi, c'est un mélodrame, c'est le mélodrame de Noël. Il est trop beau, ce film. Avec l'imagerie de Noël, justement, qui s'allie parfaitement au genre du mélodrame, parce que c'est un genre qui esthétiquement est très voyant. C'est très flashy, très là. Quoi de plus flashy flamboyant, que des voilà, c'est, ça, le, ouais. C'est le mélodrame flamboyant. Quoi de plus flashy que des décorations de Noël, qu'un grand magasin de luxe, ouais. Avec une histoire de petit train, et c'est fabuleux. C'est beau. Mais oui, il est génial, ce film. Moi, j'adore la musique de Carter Burwell, voilà, qui est un des meilleurs compositeurs du monde. Et autant Carole, ça m'a laissé de marbre, mais la musique, rien qu'en écoutant les thèmes, ça me m'émeut à fond. Alors que je j'aime pas particulièrement Carole, je déteste pas non plus, mais ça m'a laissé de marbre. Et ça fait partie de ces nombreux films sur lesquels je préfère la BO au film, tu vois, genre... Ah, oui, je comprends. J'ai aussi un autre film sorti la même année. Je vais pas dire le nom de l'acteur parce que voilà. Mais c'est un film qui se passe pas vraiment à Noël, mais c'est quand même une ambiance glaciale. Si tu dis Manchester by the Sea, je te frappe. Mais pourquoi tu peux pas dire le nom de l'acteur? Parce que... aussi, tu peux dire, c'est... Casey Affleck. Bah oui, c'est Manchester by the Sea. C'est un peu un connard, mais bon. C'est Manchester by the Sea, parce que voilà, c'est... Mais ça, ouais, non, ça se passe pas à Noël, c'est juste qu'il fait froid, c'est l'hiver et tout. Ouais, mais c'est la famille, c'est, tu vois, c'est encore une fois des trucs de famille. Mais c'est vachement déprimant, par contre. Qu'est-ce que c'est pénible comme film, oh là là. Précisément, moi, j'ai un souvenir de ce film parce que je l'ai vu le 23 décembre. Joyeux Noël. Et j'avais passé un très mauvais moment parce que je trouvais que c'était un très mauvais mélodrame, appuyé, pas subtil. Moi, je trouve pas que c'est un... Juste, je m'en fous en fait de ce film. Et ça m'a pas touché. Mais justement, mais non, comme mais. Comme toi, Carole, ça t'a pas touché, moi, Manchester by the Sea, je suis en mode, ouais, ok. En plus, comme j'aime pas l'acteur, ça joue aussi, tu vois, forcément. Bon, moi, moi, je repense au film à chaque fois et ça me terrasse le cœur de. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça parle de cœur dans ce film. Je pense que ça parle de terrasse. C'est le film sur Xavier Dupont de Ligonnès. Oula, oh là, trop tôt. Oh là là. Désolé. Et non, moi, c'est un film qui me brise le cœur, mais qui en même temps, je trouve, parle des liens familiaux, des retrouvailles, et dans cette ambiance... Bah voilà, le film est sorti aussi à Noël, moi aussi je l'ai vu à cette période-là, et moi, ce film me bouleverse, et j'avais un autre film de fête de famille. C'est quand même subtil au point qu'un des personnages pète un câble en sortant une pizza surgelée de son congélateur, parce qu'il pense... Il pense à la difficulté qu'ont les fossoyeurs d'enterrer la personne morte. Vous n'avez pas de cœur, mais c'est des petits détails comme ça sont très à vif. C'est une pizza Sodebo, quoi. Enfin, peut-être qu'une pizza, ça te fera chialer, je sais pas. Une pizza aussi peut te faire chialer. Si vous avez déjà chialé devant une pizza surgelée, dites-le nous. Moi, je pleure devant une pizza surgelée parce que ça a l'air dégueu, mais voilà. Oui, c'est vrai, bah voilà, on est d'accord, merci Victor. Et est-ce que j'avais un... Bah, moi, après, c'est des épisodes de série. Bah, vas-y, je t'en prie. Alors. Alors, si vous n'aimez pas les Simpsons, passez les 20 prochaines minutes, à peu près. Les Simpsons. Alors, je vais être gentil. Je vais parler de 3 séries. Non, même 4. 4 séries. Bon, vas-y, un épisode par série. Vas-y, vends-nous du rêve. Alors, forcément, au début, les Simpsons. Et là... C'est un épisode incroyable de Noël. On parodie la bienveillance du cinéma de Capra, tout ça. C'est le jour de Noël. Enfin, alors, Homer et Marge ont oublié d'acheter les cadeaux. Ils les achètent à la dernière minute. Et Bart est impatient d'avoir ses cadeaux, de les ouvrir avant tout le monde et d'être le premier à se lever. Normal. Sauf que Bart va jouer avec ses cadeaux et il va faire la plus grosse connerie. C'est une des plus grosses conneries. Il va brûler le sapin de Noël et il va brûler les cadeaux. Et il va planquer tout ça, il va planquer tout ça sous la neige devant sa maison. Et il va faire croire qu'il y a un cambrioleur qui a tout piqué et qui a été le seul témoin. Sauf que la famille Simpson décide de prévenir les flics. Ça devient à Springfield à 500 ans. Pour tous les Springfieldiens, parce que y a Ken Brockman qui a fait un reportage dessus. Et les Springfieldiens, bah, ils ont bon cœur, donc ils se disent ah bah on va leur donner tout notre fric, nos cadeaux pour qu'ils aient un beau Noël. C'est Sauf ouf, qu'un c'est les jour, maçons du cœur quoi. c'est les maçons du cœur. Sauf qu'un La jour, vérité ressurgit. la vérité Non. ressurgit, refait surface sur cette neige. La vérité refait toujours La surface. vérité refait toujours surface. Et les Springfieldiens, ben, ils ont la rage, ils détestent les Simpsons maintenant, ils détestent tout le monde. Les Simpsons vivent un enfer, ils sont ruinés. Et on va découvrir la magie de Noël sous une autre façon, par une conclusion que je tâcherai de ne pas dévoiler, mais qui, moi, qui me fait beaucoup rire. Moi, je me souviens, je sais, je me souviens pas si c'est le même épisode, mais je me souviens d'un épisode des Simpsons où je sais plus si c'est Noël ou si c'est l'anniversaire de Lisa, mais où elle a genre un poney en cadeau et il est emballé et tu vois le poney emballé qui fait genre tu vois qui bouge, mais genre il est emballé comme s'il avait un costume, tu vois, c'est Non, trop alors en drôle. fait, c'est pas ça, c'est Lisa, elle décide de Elle devenir imagine, non? bouddhiste. Elle décide de devenir bouddhiste. Ah oui, Et c'est ça. Et du coup elle fête plus elle Noël. fête plus Oui, c'est Noël ça. et t'as la Reverend Lovejoy, Flanders, Homer, tout C'est ça. vrai. Ils décident de lui dire, bon bah tiens, on t'a offert un poney. Et en fait, tu découvres qu'à l'intérieur du poney, Et et bah, c'était. c'était Ralph et C'est vrai, je me Bilouz. souviens. Mais bref, ça m'avait marqué. Un autre épisode de série, à Alors, un toi. autre épisode de série, bah, on va continuer chez ce cher Matt Groening, American Dad. Ah Futurama. non. Oh. American Dad, c'est Seth Il y a plus. Ah MacFarlane. oui, je pense savoir de quel épisode tu veux Bah, parler. quoi de. Une belle subversion, là, encore du Père Noël, parce que cette fois-ci, tout le Dans. monde se réunit et s'enferme chez soi pour Noël. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un robot, le robot Père Noël, qui Oui, a un c'est le bug. Turfu, hein. C'est Voilà, c'est voilà, Turfu, c'est Futurama. Noël est devenu un enfer Ah pour non, tous. voilà. Parce que le Père Noël a un bug où il considère que tout le monde est méchant et décide qu'il doit tuer tous ceux qui sont méchants. Il est génial ce Et concept. Fry, lui, il est totalement décalage parce que lui, Fry, il vient des années 90 et pour lui, Noël, ça a toujours été on se donne des cadeaux, tout Bah ouais. ça. Et moi, je trouve ça particulièrement amusant comme idée. Mais ouais, il est trop bien cet En épisode. VO, il est doublé par John Goodman, Ah ouais? le Non, je Père savais pas. Noël J'ai toujours tueur. regardé que en VF. Et moi, ouais, ça me fait beaucoup rire. Mais oui, il est trop bien. Surtout qu'il est. Moi, il y a un gars qui me fait quand même mourir de rire, c'est qu'il est méchant. Il pense que tout le monde est méchant, sauf le docteur Zoidberg. Et ça me fait mourir de rire. Un troisième épisode. Un troisième épisode, alors là, c'est The Office. Voilà, Steve Carell, le monde d'entreprise, Steve Carell, le poste le plus malaisant du monde. Et les épisodes de Noël, c'est un peu une institution à chaque saison, mais moi, il y a le tout premier épisode de Noël me fait mourir de rire. Parce qu'en gros, l'idée, c'est ils font. Bah, Maury, tu connais parce qu'on a eu droit à ça récemment, mais ils font un Secret Santa. Et en fait, Michael Scott, le patron joué par Steve Carell, décide de mettre. Ils décident de. Ils étaient censés dépenser seulement 15 balles. Lui, il décide d'en mettre plein les yeux et d'acheter un iPod. Autant les iPods, c'était Les trop iPod populaire. Nano, on Les s'en iPods souvient. Nano. Et il claque J'en 200 avais un balles vert. pour un iPod. Et il va l'offrir à un gars et tout ça. Et lui, il a son cadeau. Et son cadeau, c'est quoi? C'est une paire de moufles. Et il a le seum. En vrai, moi, je serais contente avec un cadeau comme ça. Il a le seum et il décide de faire quoi? Il décide de faire de ce Secret Santa un enfer parce que tout le reste de l'épisode, ça va être quoi? Il va transformer ça en. Il va transformer un Secret Santa en un truc qui s'appelle l'échange du diable où à chaque tour de la personne qui prend son cadeau, quoi, peut décider de voler le cadeau d'un autre et vice-versa. Et c'est incroyable de malaise. Enfin, The Office, c'est une Oh, série de ouais, malaise, voilà. mais. C'est un bon Noël de malaise, là. Ah, si vous aimez le malaise, regardez The Office. Et voilà. Là, je vais parler à tout le monde, parce que The Office, ça reste un peu une série de niche. Je vais parler de Malcolm. Et je croyais qu'il allait avoir plus d'enthousiasme. Bah, je vois pas de quel épisode tu parles, en fait. Il y a plein d'épisodes de Noël de Malcolm. Bah, mais justement, j'essaie de voir lequel tu pourrais... Et bah, lequel aurait titillé ta curiosité. Rafraîchis-nous la mémoire. C'est celui où Loïs... on aura de l'enthousiasme quand ouais. on va se souvenir de l'épisode précisément. Bah voilà, les enfants de Malcolm, on va pas dire que c'est les enfants les plus sages pour avoir du des cadeaux. Eux, ils méritent plus du charbon. Et... un jour où Dewey et Malcolm et Reese décident de préparer le sapin, d'emballer et tout, ils décident de se lancer dans une bataille de boules de Noël. Alors il y a des débris de verre partout. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Et Loïs, la maman, elle assiste à la scène et elle décide de faire un truc tellement elle en a marre. Elle prend Noël en otage. Je me souviens pas du tout elle de cet épisode. Elle prend Noël en otage et donc du coup les garçons décident de devenir gentils pendant les 3 jours qui restent avant le 25 décembre, mais d'être irréprochables pour ne pas avoir pour avoir leur cadeau, tu vois. Et bah ça donne des scènes improbables et Al il a le seum parce que lui aussi veut fêter Noël. Et pendant ce temps t'as Francis. Qui part fêter Noël avec chez sa grand-mère, enfin chez Ida. Oui. Donc qu'il a aussi a une conception de Noël complètement chelou et. Je me souviens pas de tout cet épisode, mais du coup je vais le regarder. Et je me pose une question parce que déjà de toi aussi tu as cette passion pour It's Always Sunny et Philadelphia. Et est-ce qu'il y a des épisodes de Noël ? Il y a un épisode de Noël, j'allais en parler. Je crois que c'est dans les premières saisons, ça doit être 2, 3, 4. La 2, la 3 ou la 4, je sais plus. Et c'est l'épisode où Charlie, donc joué par Charlie Day, qui est, en gros, si vous connaissez pas la série, Charlie, c'est le mec... c'est pas méchant ce que je veux dire, c'est vrai. Il est un peu débile et fait un peu tout ce qu'on lui dit. Et il est meilleur ami avec Franck, donc voilà, si vous voulez le... Danny DeVito, qui est un personnage horrible. Et d'ailleurs, je pense pas que ce soit le même épisode de Noël, mais il y a un épisode de Noël où ils vont à une genre de soirée de Noël d'entreprise, et Franck, il est caché dans un canapé à poil, et il en sort, comme s'il naissait, comme le Jésus qui sort, tu vois. Et c'est vraiment montré comme ça, et c'est trop drôle. D'ailleurs, en allant voir Jumanji, je pensais qu'à ça, parce qu'il est dans Jumanji 2, qui est aussi un film de Noël. Oula, je reviens au premier épisode. Premier épisode duquel je voulais parler, c'est un épisode de Noël où Charlie est persuadé que le Père Noël du centre commercial, c'est le vrai Père Noël et qu'il a couché avec sa mère. Et il va passer tout l'épisode à vouloir aller sur les genoux du Père Noël pour lui demander s'il a couché avec sa mère. Et c'est... Mais ce qui est trop bien avec cette série, c'est que c'est trop drôle et en même temps, il y a deux histoires à chaque fois parce qu'ils sont 5 persos. Et en même temps, ils vont. Ça parle un peu de tout le truc du capitalisme derrière Noël et des valeurs derrière Noël et en même temps du Père Noël qui a couché avec la mère de Charlie, tu vois, et de ce qui est vrai et ce qui est pas vrai à Noël. Du coup, tu peux réfléchir, en même temps, tu peux tourner ton cerveau, tu peux éteindre ton cerveau et juste rigoler de Charlie qui arrache l'oreille du Père Noël avec ses dents. voilà. Sinon, alors, un truc, on parlait des films cucu et tout au départ, j'ai une recommandation. Totalement cucu, nul à chier, mais que j'ai regardé il y a pas longtemps et qui est sorti il y a pas longtemps. C'est une série qui est sortie sur Netflix qui s'appelle Dolly Parton's Heartstrings. C'est gratiné. Hein. Chaque épisode, c'est adapté d'une chanson de Dolly Parton ou inspiré. Et en fait, au début de l'épisode, t'as Dolly Parton sur un canapé qui te raconte sa vie avec son fort accent et tout, qui dit ah quand j'étais dans le tourbus, on a écrit cette chanson et tout. Et l'épisode que j'ai regardé, c'est l'épisode 2. Et donc Dolly Parton, elle arrive sur son petit canapé et tout, elle met son petit vinyle et elle te raconte l'histoire de sa chanson qui s'appelle Two Doors Down, qui est aussi le titre de l'épisode. Et en fait, t'arrives dans un genre le sud de l'Amérique, ils ont tous un accent texan, c'est un peu tous des cow-boys et tout, mais en même temps, ils sont vachement riches. Et c'est le mariage d'une meuf, et donc tu suis le frère de la meuf qui débarque dans cette famille et tout, alors que lui, il bosse à Athènes, il est genre agent immobilier ou architecte, je sais pas quoi. Genre, c'est un gros riche et tout, et puis il débarque d'Athènes, il revient dans sa petite cambrousse des États-Unis. Tu vois sa mère, c'est vraiment la meuf, on dirait Jackie Kennedy, elle est full de droite, elle est super riche, super propre sur elle et tout. Elle a des valeurs bien conservatrices. police bien traditionnelle américaine et tout. Et le père, c'est un peu un chasseur et tout. Et lui, il débarque dans ça, un peu un millénial, avec des idées un peu progressistes, entre guillemets, selon eux. Et sa sœur, pareil. Sa sœur qui veut être actrice, mais sa mère elle veut pas qu'elle soit actrice et tout, parce que c'est le métier du diable, hein, tu vas finir dans la rue avec les autres qui tournent des clips chelous et tout, ouais, voilà. Et donc tu suis le frère qui débarque dans ça et qui a un peu une vie cachée et tout, je vous en dis pas trop. Une vie cachée. Ne recommence pas avec ça, Victor. Tu es hautain. et donc il débarque un peu. C'est le mec riche qui a une vie bien à lui, qui redébarque dans dans sa famille de campagne avec ses traditions un peu dépassées, on va dire. Et donc voilà. Et c'est adapté d'une chanson de Dolly Parton. Je vous en dis pas trop volontairement parce que ça se découvre et ça se savoure. J'adore et le concept. Et les acteurs et les actrices, c'est principalement des acteurs et d'actrices de MTV et de la CW. Donc vous voyez le niveau, mais je les aime bien. Donc, voilà. J'ai une dernière recommandation. Vas-y, en série animée. Tu l'as dit tout à l'heure, mais American Dad. Oui. Et il y a un épisode de Noël que moi j'adore particulièrement, c'est celui où Stan en a ras-le-bol du fait qu'on ne célèbre plus Noël comme lui le veut. Parce que pour lui, Noël a perdu sa vertu ouais. religieuse, parce ouais. qu'on ne dit plus joyeuse fête de Noël, mais joyeuse fête de fin d'année. Ouais. Et il est persuadé que c'est à cause... Oula. Là, je suis devenu... Il est... il y a Renaud parmi nous. Père Fouettard est parmi nous, attention. Et il est persuadé que c'est la faute de Jane Fonda. Et... Ah ouais, je me souviens. Et là, t'as la fée de Noël qui est doublée en VO par Lisa Kudrow, Phoebe. Oui. Et qui lui dit, mais non, mais Stan, regarde, c'est pas vrai, c'est pas Jane Fonda, et c'est pas Jane Fonda qui a provoqué la fin de Noël et tout... et Stan, en fait, alors qu'il est envoyé dans le passé, il décide de s'échapper des années... Enfin, de parcourir les années 70 pour aller tuer Jane Fonda. Et ainsi, il va se passer moult rebondissements, dont une petite version républicaine de Taxi Driver réalisée par Fred Smith avec John Wayne. Je me souviens. Et c'est l'épisode de Noël que je... Et une sous-intrigue qui copie Retour vers le futur 2. Bah oui, forcément, il y a du voyage dans le temps. Avec Roger qui découvre que c'est comme l'almanach des paris, des résultats des sports. Mais sauf que là, c'est la cassette disco des meilleurs tubes disco. Oui. Et il va devenir limite comme Biff Tannen. Il invente le disco en gros, du coup. Ouais, voilà. Je me souviens. D'ailleurs, Jane Fonda, qu'on embrasse. Je vois. Oui, parce qu'on adore Jane Fonda. Bah, oui, et puis elle fait plein de choses trop bien en ce moment. Donc voilà. Amaury, est-ce que t'as d'autres recommandations? Oula, alors là, on passe du coq à l'âne. Bah oui, écoute, sans transition aucune. Énorme. Est-ce que, attends, est-ce que tu veux une petite transition? C'est pas vraiment une transition, mais je sais pas où le caser. Pas du tout un film de Noël, c'est un documentaire, mais il y a de la neige. Je sais ce que c'est. Alors, quoi ? C'est quoi ? C'est avec des pagois. La marche de l'empereur. Mais c'est mon film que je regarde tous les ans à Noël et il y a de la neige. Déjà et c'est trop bien. Suffisamment compliqué de rebondir après ce qu'a dit Victor. Comment je vais faire non, mais après comme la marche ça, de l'empereur ? Ça, c'est un film, tu vois. Madagascar dans tes films. C'est un documentaire de Luc Jacquet avec musique d'Émilie Simon et c'est trop bien. Et il y a eu la suite qui s'appelle L'Empereur. Avec la voix off par Lambert Wilson, donc je vous recommande les deux films. Ça parle de famille et tout, hein, techniquement, donc ça marche. Bah ouais, les pagouins, et puis il y a de la neige. Danse, Happy voilà. Feet, tout ça. C'est beau, Happy Feet, bah voilà, deuxième film de Noël. Amaury, sans transition bon. Aucune. Sans transition, on va parler de Stanley Kubrick. Allez, Eyes Wide Shut, voilà, grand classique. Le dernier film de Stanley Kubrick, celui que je préfère aussi. Parce que ça se passe à Noël et que tout est éclairé aux guirlandes en fait. Mmh, on parle beaucoup de Barry Lyndon comme un exploit en direction photo parce que c'est éclairé qu'à la bougie soi-disant, mais on parle pas assez de Eyes Wide Shut où il y a énormément de lumières d'appoint qui sont faites avec des énormes guirlandes de Noël. Ça a dû coûter un bras en électricité, mais c'est magnifique dans ses couleurs et c'est l'histoire d'un couple qui s'ennuie, qui s'effrite un peu, et d'errance en errance nocturne, Tom Cruise va intégrer, ou plutôt s'immiscer dans une secte qui s'amuse dans des grosses partouzes, hein, voilà, masqués au bal masqué, des, voilà, comme dirait la compagnie créole, voilà, avec des costumes de Venise et tout. Et c'est avec Kate Blanchett. Et quoi? Oui, oui, qui est ouais, qui a révélé, masque, qui a révélé, voilà, il y a pas longtemps que. Ouais, ouais. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps grâce à un petit documentaire Kubrick et les Illuminati. Vous irez voir ça sur Dailymotion, qui est réalisé par le type qui a fait Lost in Traplanta, la série, la très très bonne série d'Arte qui est sortie sur YouTube. Parenthèse fermée. Eyes Wide Shut, c'est un film sur le rapport entre Tom Cruise et la Scientologie, en fait. Ah bah oui. J'ai appris que sur le plateau, il y avait un consultant de la Scientologie qui avait imposé sa présence, en fait. Si Tom Cruise joue dans ce film, il devait y avoir ce consultant de la Scientologie qui devait vérifier les trucs et tout. Alors personne ne sait ce qu'il a fait, mais il y a une ambiguïté dans ce film. On sent vraiment la présence de la secte scientologue sur tout le film, et ça fait sens avec la secte ouais, des partouzeurs. La secte des partouzeurs. les propos se rejoignent. Il y a toute une série de symboles. Alors c'est un peu comme dans Shining. Alors soit on dit n'importe quoi, on voit des symboles partout là où il y en a pas, mais ça fonctionne. Tu me fais repenser, en parlant de vidéos YouTube, Scanner Kubrick, ça, aux incrustations numériques de Durandal dans les films de Kubrick. Oh là non, ça c'est... Joyeux Noël. Je vous le recommande pas, mais voilà, non, ça, c'est un film passionnant sur les sectes, les complots, la nuit, la lumière, Tom Cruise, Nicole Kidman, tout ça. Et il y a une scène finale dans un magasin de jouets qui est génialissime. Ah ouais, dans le Pickwick. Dans un énorme Pickwick. Faudrait faire un remake. Des couloirs de nounours à n'en plus finir. Et non, d'ailleurs, il y a des petits easter eggs dans cette séquence. On voit notamment l'enfant disparaître au milieu de quatre mecs. Enfin, ça, on s'en rend pas compte, mais c'est en arrière-plan du dernier plan séquence du film. Il y a l'enfant de Nicole Kidman et Tom Cruise qui se balade dans le magasin, et puis il y a quatre mecs en noir qui le suivent, et ça a été analysé comme étant des... Il semblerait que ces quatre mecs font partie de la secte, ouais. Ils ont été filmés dans la secte, et Kubrick les aurait mis volontairement genre dans des gens de la vraie vie de la secte. Non, dans le film, dans... une heure plus tôt dans le film, on les voit dans la grande villa, là. Ouais. Et il semblerait que ce soit eux qu'on retrouve à la fin. Ah, j'ai jamais et qui entourent le gamin. C'est super flippant. Et là, il y a la réplique finale de la carrière de Stanley Kubrick. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Fuck. C'est beau. Et ben, je pense que c'est bien dans l'esprit de Noël. Est-ce qu'il vous reste des petites recommandations de films ou séries? Une non-recommandation, peut-être. Allez, c'est parti. Allez, on va essayer de contrebalancer avec du positif. On parce libère que ça reste le Kraken. Donc vas-y, déverse ta haine de rageux, et nous on va dire mais non, c'est bien. Ah ouais. Parce qu'il faut de la positivité, c'est la Noël. Je vais dire deux films, et il y en a un, je sais que tu vas être de mon côté. Bah très certainement. Si je te dis Stalker qui donne des qui fait lire des pancartes. Voilà, voilà. De toute façon, j'aime pas les romcoms en général. Alan Rickman qui trompait Emma Thompson, déjà, mais il a de la merde dans les yeux. Déjà, voilà. Mais d'où tu trompais Emma Thompson? Voilà. Quoi. Hugh Grant qui danse. Hein. Alors, ça, c'est la scène préférée de tout le monde. C'est une des scènes préférées de F, hein, à l'époque, en tout cas, je sais pas si encore maintenant, qu'on embrasse d'ailleurs. Mais je comprends pas, moi, ça me met juste. C'est horrible. En fait. Moi, je trouve que c'est vraiment l'amour avec un grand haine imaginaire, haine pour nier. Avec c'est un même grenier. Pas nier, c'est juste. C'est... Mais en fait, bon, c'est un autre débat. C'est moi ce que je pense des rom-coms en général, des rom-coms américaines en général, c'est que ça véhicule une vision de l'amour qui n'est pas ce que c'est vraiment en fait. C'est glauque et. Et je déteste ce film, surtout que j'ai encore une autre raison. Très argumenté. J'ai encore une raison de plus de le détester, parce que quand on voit qu'il y a Boris Johnson qui se sert pour une vraie campagne électorale. En plus, c'est ça qui est hallucinant. Ouais. Et qui refait cette même scène pour dire qu'il faut voter pour lui, pour le Brexit, et qu'on voit que ça a gagné. Ça marche, et ben moi, j'ai envie de dire, je t'emmerde Richard Curtis et je t'emmerde Love Actually. Bim, j'ai lancé le pavé dans la mare. Le deuxième film. Si vous voulez envoyer des messages de haine à Victor, son Twitter, c'est... Non, je rigole. Et le deuxième film, c'est un petit con qui reste tout seul dans sa maison, dans sa belle maison, parce que sa nasse de famille l'a oublié. Un petit con. Le pauvre. Parce que ses parents sont tellement nazes qu'ils l'ont oublié alors qu'ils partent en France. Moi, j'aurais le seum hein, si j'étais... Mais franchement, alors je sais que suspension consentie d'incrédulité, tout ça, mais quand même, pour ne pas remarquer que t'as oublié ton gosse, t'es vraiment un mauvais parent. Voilà. Je suis désolée. Voilà. Je suis pas parent et j'ai pas autant d'enfants, tu vois, mais... Quand même... Ou alors c'est volontaire, enfin, je sais pas. Ou c'est volontaire. Si c'est vraiment un c'est petit con... C'est un petit con, c'est bien fait pour lui, quoi. C'est un petit con, ben voilà, c'est... Non, mais il est tellement craquant aussi quand il fait les yeux doux, quand il... Non, mais justement, je déteste ce film. Moi, j'y crois pas à ce film, déjà, parce que c'est une... Déjà... production John Hughes, ça veut tout dire. C'est-à-dire que c'est un film américain dans les années 80, et c'est-à-dire que les enfants, que la jeunesse, que la jeunesse dans les années 80, selon John Hughes, c'est, on dirait, une publicité Pepsi. C'est-à-dire que les enfants, t'as pas l'impression de voir des enfants, t'as l'impression de voir des enfants selon un marketeur. Moi je pense que peut-être, mais c'est surtout des enfants américains riches. En fait. Mais oui, c'est une famille WASP dont moi je m'en bats les couilles de leur famille. Nous, on connaît pas ça et ça nous touche pas. Et... Ça nous en touche une sans faire bouger l'autre, tu vois, parce qu'on n'a pas grandi comme ça. Peut-être que John Hughes, si, du coup, c'est pour ça qu'il mais fait ça. Oui, mais c'est parce que John Hughes, c'est un gros con dans la vraie vie en plus. Allez, un pavé dans la mare. Beaucoup de pavés dans beaucoup de mares aujourd'hui. Je sais pas, je le connais pas. Mais en revanche, il méritait beaucoup de charbon à Noël, je pense. Tu me diras en off. Parce que je le connais pas. Et Macaulay, alors. Macaulay Culkin, j'aime bien. La personne. Oui, moi aussi, j'aime bien Macaulay Culkin. Mais moi, en fait, ce qui me gêne dans ce film, c'est déjà, c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Moi, je trouve pas ça drôle de le voir faire les 400 coups. Je préfère voir Jean-Pierre Léo faire les 400 coups. Voilà. Hein. Regardez les 400 coups. Et puis, non, moi, je trouve que c'est pas la magie de Noël. C'est juste un truc ultra matérialiste où, ouais, je suis tout seul. Alors, je vais pouvoir me gaver de crème glacée et regarder la télévision et boire du Pepsi. En même temps, quand t'es gamin, quand t'es tout seul chez toi, c'est un peu ce que t'as envie de faire, non? Ouais, mais quand... Même quand je suis toute seule chez moi, je suis en mode, ouais, je peux mettre la musique à fond. C'est rigolo quand t'as 6 ans, mais franchement, moi, je suis atterré de voir qu'il y a des personnes de 20-30 ans qui estiment que c'est génial. Mais parce qu'ils ont grandi avec, parce qu'ils l'ont vu quand ils étaient gamins. Alors, il y a plein de films que t'as vu gamin que tu te dis, oh, bah c'était trop bien, tu le regardes maintenant, c'est de la merde. Mais comme tu l'as vu gamin, il y en a qui disent pas que c'est de la merde, il y en a qui disent que c'est vraiment un chef-d'œuvre et tout. Oui, mais parce que t'as cet attachement. Enfin, je peux comprendre. Moi, je suis d'accord avec toi, j'aime pas du tout ce film. En revanche, j'adore la musique qui est vraiment trop bien. Oui, la musique est Je comprends que tu peux dire que c'est un chef-d'œuvre et tout, parce que émotionnellement, forcément, t'as des attachements externes et internes. Chef-d'œuvre, ouais, même là, tu vois, chef-d'œuvre, je comprends tellement pas aussi. Bon. Et surtout que moi, alors, je termine mon argumentaire. Vas-y. Moi, il y a aussi un truc qui me gêne beaucoup dedans, c'est... Tu vois, je parlais du fait qu'on avait... J'adore comment tu t'es... tu t'es posé sur ta chaise en mode, je vais vous expliquer la vie. Tu vois, on apprend à ces... Je disais que ces enfants, ils avaient l'air faux, mais Macaulay Culkin, dans le film, j'ai pas l'impression de voir un enfant. J'ai l'impression de voir un enfant qu'on filme comme une star, et je trouve ça vachement glauque. Moi, j'ai plus l'impression de voir ce qu'un adulte pense que c'est un enfant. Et par exemple, tu vois, quand je vois Macaulay Culkin qui fait ses conneries et qui fait des regards caméra en mode, je suis trop une star, et regardez, c'est trop gaulé. Il fait beaucoup ça. Dans Ferris Bueller, c'est un peu pareil. Mais dans Ferris Bueller, voilà. Ça parle de ça en même temps. Mais c'est un autre débat. Bah voilà, en plus, je l'ai découvert très tardivement. J'ai découvert il y a 3 jours sur TMC. Ah là, qu'est-ce que j'ai tellement roulé des yeux devant ce film. Mais j'avoue que moi non plus, j'aime pas trop. Je voulais que Joe Pesci gagne et qu'il cambriole toute cette famille, moi. Ok, merci. Bah... Amaury, bon. Tu voulais... c'est pour dire que je l'ai vu récemment aussi, mais que, contrairement à Victor, j'ai... Enfin, J'étais conscient de tout ça, de ce côté hyper matérialiste américain. Ouais, ouais, c'est pas des gamins, c'est des singes savants qui se retournent vers la caméra une fois qu'ils ont fini la prise et qu'ils font un grand sourire parce qu'ils ont joué dans des publicités avant de finir là-dedans. C'est clairement une tête à claque, le gamin. Ça joue dessus, je pense. C'est marrant, mais pour le folklore, quoi. On sait que c'est, ouais, on sait voilà. que c'est nul, mais en même temps. C'est un classique de Noël. C'est est-ce que je dirais que c'est plaisant, c'est réconfortant, voilà, c'est comme un bonbon Milka, quoi, tu vois. Un bonbon Milka, alors non, sacrilège, parce qu'un bonbon Milka, déjà, c'est beaucoup plus savoureux. Déjà, des bonbons Milka, ça n'existe pas, c'est du chocolat Milka, excuse-moi. un chocolat Milka, c'est beaucoup plus réconfortant et réconfortant. Oh, et... C'est gras, quand même, enfin, Discussion sur le chocolat, qu'est-ce qui se passe ? Et vos calendriers de l'Avent, alors ? J'ai un calendrier de l'Avent Milka, là. Ah bah voilà, ah, mais c'est pour ça que t'es biaisé, tu prends, t'as pris parti. En fait, il y a la vache et l'ours Milka qui m'attendent. Ils sont derrière. Dis pas de conneries, ce Victor. Ce podcast est sponsorisé par Milka. C'est ça. Non mais je comprends, moi j'aime pas particulièrement ce film, j'aime juste la musique qui est dans ma playlist de Noël. Et petite anecdote, Vas-y. Il y a un troisième volet. Sorti en DT, en direct oui. tout VHS qui est sorti, et vous savez qui joue tant ? Non. Scarlett Johansson, c'est un de ses tout premiers rôles. Sérieux ? Ouais. Ah bah. Et il y a un perroquet qui parle dans le film. Est-ce qu'elle joue le perroquet ? Non, parce qu'elle pas, on ne peut tout jouer, donc... Si vous avez compris cette blague, vous êtes des vrais. Non, mais oui... Moi je le recommanderais pas spécialement parce que j'avoue qu'il me tape sur le système. Bah, oui, ouais, parce que le gamin le système, il est énervant ouais. et déjà de base les gamins dans les films en général ça m'énerve. Et tu sais c'est un peu, alors Jacob Tremblay tu vois c'est un super bon acteur mais c'est un peu le mais même oui, mais principe. En fait c'est toujours la même chose, il nous énerve le gamin de Maman j'ai raté l'avion mais il y a toujours un moment on est là devant l'écran on fait oh le alors, petit chou. Il y a un moment, y a, allez, un moment où t'es un peu ému. Je n'ai pas de cœur. Où t'es un peu mis, c'est pas à cause de Macaulay Culkin, c'est quand t'as le vieux dans l'église. Ah, oui. Tu sais, ah, oui. tout le monde croit que. C'est comme la vie avec ses pigeons dans le 2. Hein. J'ai pas vu le 2, bah, je veux deux, pas y le y voir. A... Bah, dans le 2, c'est le. Pareil, mais à New York, et il y a Trump dedans. Ouais. Et voilà. Encore plus pour parler du côté bah, matérialiste. Dans Gremlins 2, et bah c'est pareil. Il y a pas Trump ? Non, non, non. C'est dans la alors, tour Trump. Non, alors, non, j'ai grosse. On va faire une petite rectification là. Historique. Vas-y, rectifie. Gremlins 2, quand j'ai cité le Trump, c'est parce que c'est un film qui se moque ouvertement de, ah bah voilà. de Trump. Bah regardez c'est... Gremlins 2, voilà. Maman j'ai raté l'avion 2, faites la comparaison. Mais dans Maman j'ai raté l'avion 2, il y a une vieille clocharde avec plein de pigeons et c'est le vieux en fait. La dame au chaudasse. C'est ça, non mais ouais, c'est ça, c'est le personnage attachant parce que au cas où tu t'attaches pas au gamin, et bah voilà, voilà. T'as un recours, tu vois, t'es une roue de secours. C'est tout sur tes coups de gueule. Oui, c'est. Mais en revanche, moi, je vous recommande la musique, qui est très cool et qui met toujours dans l'esprit de Noël. Moi, j'ai un petit coup de gueule à Vas-y. Pousser. C'est pas contre un film de Noël, c'est sur une pub de Noël. Je crois que c'est la pub Kinder et c'est toujours la même musique, Let It Snow, Let It Snow, Let It oui, Snow bah oui. tous les ans. Et ça, je n'en peux plus de l'avoir. Et encore au cinéma, c'est pire parce qu'il y a les enceintes à fond. Moi, ça me manque. Ça me rend dingue. J'ai envie de sortir et de voir elle et de voir Kubrick et tout. La pub en ce moment avec pour Bouygues. On l'a vu ensemble car on est allé au cinéma. Est-ce que c'est la pub avec la meuf qui veut un téléphone et ah non, ça c'est Orange, pardon. Non, elle est mignonne. La pub, elle est un peu émouvante. Donc je suis un peu genre à la fin. C'est quoi la pub ? Mais. C'est la pub pour Bouygues où c'est un père de famille qui se fait passer pour le Père Noël à sa fille. Oui, oh non, et, à la fin, Père Noël. Et à la fin, elle l'appelle, elle fait « Merci, papa !» À la fin, elle est genre « mais t'en peux plus l'avoir. » En même temps, elle a compris que le Père Noël n'était pas vrai, donc c'est un peu horrible. Voilà, et c'est un peu horrible pour les enfants. Nous, on a vu oui, la pub devant Jumanji. Mais en même temps, pour les enfants, il y a... Au dernier plan de cette pub, on voit le Père Noël qui oui. vole avec son ou alors... derrière. Ah ouais c'est pour. Ouais, bah c'est bah ça. Oui, tu l'as pas remarqué. Ou alors les... du coup, j'ai les pas gamins... remarqué, non, bah on c'est voit. C'est justement pour les enfants qu'ils ont mis ce traînant en arrière-plan de qui oui, passe ça. Devant la lune pour genre montrer le Père aux Noël enfants est qu'il existe vrai. Quand même. Et en fait, la gamine, elle sait que le Père Noël il est vrai, mais elle croit que son. Enfin, elle sait juste que son père c'est un mytho qui fait semblant voilà. d'être le vrai Père Noël. Elle sait que c'est pas lui le vrai Père Noël. D'accord. C'est. Attends, il y a, fait, des couches, hein. Il y a des tiroirs dans cette pub. Les enfants, ils ont très bien compris la pub, ils ont pas du tout été touchés par la soi-disant révélation et tout. Alors, mais Victor, par contre, il est choqué du ah fait nous, qu'on dise que... Nous, on l'interprète on analyse, on décortique, hein, attends. On est une émission de cinéma, on n'est pas une émission de cinéma. Mais sinon, moi, la pub CanalSat de Noël, elle me manque beaucoup. Oui, mais alors c'est vrai. Elle me cassait les couilles, mais elle j'ai me un petit espoir. C'est nostalgique. Parce que est-ce que vous suivez, alors pour ceux qui regardent la téloche, la télévision, les rares personnes qui regardent encore. Et ben il y a la pub avec Kadmerat, tu sais, qui fait plein de pubs pour Canal et ça se suit. Genre la pub qui sera diffusée la semaine suivante a un lien avec la pub dernière. Saga pub Canal. Et là, l'une des dernières pubs, c'est Kadmerat dans un fond vert qui fait une pub où il dit qu'il va être un reine et qu'il va chanter une chanson. Putain, comment ils teasent. Non mais. Alors j'espère qu'il y aura pas un truc. J'ai l'espoir de connaissance de ce truc, mais ils font un univers partagé de pubs, quoi. Le CanalSat cinématique. Mais ouais, c'est trop bien. Et il y a, ah si, mais faut en parler de ça aussi. Parle-en. Les courts-métrages de DreamWorks, ils passent tout le temps sur TF1 ou sur Gulli, genre Shrek Noël. Avec un plan improbable. Ça, on n'en parle pas. Non, bah, on n'en peut pas regarder le quoi. Juste, ce plan. Shrek, c'est trop non, mais faut juste que je parle de ce premier plan absolument immonde, improbable et que j'avais jamais envie de voir de ma vie. Où en gros, tu vois, au début, ça, t'as le générique et en fait, t'as l'impression que ça donne sur une montagne et qu'il neige. Ça fait deux boss de Coïd. Sauf qu'après, t'as la musique de Noël et là, t'as la caméra qui recule, t'as une musique beaucoup plus décontractée, reggae, funk, tout ça. Et en fait, tu vois juste que c'est du talc qui est versé sur le cul du bébé Shrek. Les fesses du bébé, voilà. Voilà. C'est Shrek, hein. C'est toujours dans la finesse. Il faut mieux que ce soit dehors que dedans, disait-il. Oh là. Shrek, ogre avoir couche comme oignon avoir couche. Exactement. C'est beau ce que tu dis. C'est beau. Est-ce que vous avez encore des recommandations? Quelque chose à rajouter sur les films de Hugo Noël? Cabré. Voilà, de Martin Scorsese. Scorsese. Parce que ce film est merveilleux et que c'est un super hommage au cinéma des premiers temps et que c'est une claque visuelle et que ça se passe à Paris en plein hiver et je sais pas si c'est un rapport direct à Noël ou pas, mais pour moi c'est un film sorti qui... à Noël. Ouais voilà qui oui ça me fait du bien de revoir ça en période de Noël, je sais pas pourquoi, je trouve que ça s'y prête bien et bah c'est la et, neige l'hiver tout ça peut-être mais quel beau film quoi. À l'inverse, le Pôle Express, ne regardez pas. Ah, ouais, je le revois parce que. Fun fact, j'ai une boîte en métal, tu sais, genre les boîtes de lunch là, ouais. D'Eric, hein. Comme ça, Kinder Surprise d'ailleurs. Pôle Express, et je l'ai encore parce que je la trouve trop belle alors que j'aime pas forcément ce film et c'est moche, mais la boîte elle est vraiment trop belle. Et donc, moi j'ai super envie de voir le drôle de Noël de Monsieur Scrooge que Zemeckis avait réalisé aussi dans Motion Capture avec Jim Carrey, ça avait l'air pas ça mal. Ça me dit rien du tout. C'est sorti genre en 2010, je me souviens que j'ai vu la bande annonce juste avant que j'avais été voir Mission G. Est-ce que vous savez de Mission G? Est-ce que c'est le truc avec les singes? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous connaissez pas Mission G? Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas j'ai déjà. Mais c'est des animaux, non? C'est ça? C'est des cochons d'Inde, agents secrets, dont l'un est doublé par Nicolas Cage. Bah oui, évidemment. Bah regardez ça. Évidemment. Eh ben d'ailleurs, ça me fait penser film de Noël animaux, Hugh Grant, Paddington 2. J'y ai pensé aussi. Tu vois. Meilleur film de Noël parce qu'il y a Hugh Grant, il y a Ben Whishaw et c'est à Londres et il y a Sally Hawkins et c'est trop bien. Bah voilà. Est-ce que c'est bon? Vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Oui, non. Non. Bah, non, bah voilà. On va regarder Bad Guys et Mission Possible. Mission Possible. On vous invite. On vous invite à aller les voir. Et ne prêtez pas attention à la jaquette de Mission Possible. Vraiment, ça porte c'est à trop confirmer. Tard, j'y prête attention. Et ben merci à vous d'avoir proposé toutes ces petites recos de Noël pour mettre nos auditeurs et nos auditrices dans cet esprit, dans cet univers, dans cette atmosphère de partage et de bienveillance et de chaleur et de valeur qui dégouline de partout. Allumer on une petite cheminée. On a proposé un petit peu de meurtre, de viol. Oui, bah, il en faut pour tous les goûts. Hein. Voilà. Victor, il a même dit des trucs qu'il aimait pas, comme ça vous pouvez aller l'attaquer si vous le souhaitez. On a même proposé de la musique, d'ailleurs, moi de la musique, je vous en donne. Vous allez l'écouter, vous allez l'entendre. L'album de Noël de NSYNC, que je ne saurais que trop recommander parce qu'il est exceptionnel. L'album de Noël de She and Him. C'est Zooey Deschanel et Joseph Gordon-Levitt. Pas Joseph Gordon-Levitt, mais un autre gars. Je pensais que c'était ces deux-là. Et ça me fait penser. C'est une petite dernière reco parce que je suis gentil, vas-y, bah, je sympa. Je la cache sous ma haute. Very Merry Christmas, toujours de Sofia Coppola avec, enfin de, avec Bill Murray, où c'est pour Netflix et c'est Bill Murray qui est bloqué sous la neige à un studio pour NBC, je crois. Et il y a plein de stars, il y a Maya Rudolph, il y a Chris Rock, il y a Phoenix, il y a C'est George un cours Clooney. de C'est un Coppola alors. court-métrage, ouais. D'accord. Il y a Miley Cyrus, il y Oui, a je George pense que. Clooney, ils font tous des chants de Sorti genre Noël. l'année dernière ou il y a Il y a deux trois ans, il y ans. a trois, Ah, quatre ans. déjà. C'est un peu nul, enfin tu sais, c'est le genre de Oui, projet c'est où nul à chier, quoi. C'est juste c'est... des potes qui se filment entre eux. Voilà, c'est ça, mais c'est sympa, les chants de Noël, Bah, si bah, vous aimez bien Phoenix. ces acteurs, c'est Ouais, cool, quoi. Regardez, voilà. sinon, vous êtes un peu. Voilà. Mais oui, des chants de Noël. Donc, l'album de NSYNC. Vous pouvez nous suivre, nous retrouver sur les réseaux sociaux, enfin sur Twitter, @S5P42. Vous pouvez nous laisser une note, 5 étoiles, pour faire comme des étoiles sur les sapins de Noël. J'essaie de trouver des jolies comparaisons. J'y arrive pas. J'y arrive plus. Vous pouvez nous laisser une note, un petit commentaire, partager l'épisode, partager l'émission, nous envoyer un message pour nous dire ce que vous pensez personnellement de personne. Si, voilà, si ça vous dit. Et on se dit à la fin du mois pour le récap de l'année et nos attentes de l'année prochaine. Et à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir et joyeuses fêtes! Salut, salut. Ah, Johnny. Cheminée sur YouTube. C'est que t'as une vidéo pour nous, bien que je te ramène. Malheureusement, sur je vais pas chercher des images sur le web. Mais vas-y. Bien, il y a un truc qui s'appelle les touches à. Faut pas le savoir. Perruque, ça. Ouais, ok. Attends, mais la reconnaissance vocale. Oh, la vache. J'essaie des perruques Amazon. Qu'est-ce que ça vaut?